Chapitre 22e. Il faisait horriblement chaud ce soir-là sur le boulevard Montmartre. Servin était assis devant une petite table et dégustait son bock d'un air dégoûté. La vie ne lui souriait pas. Depuis quelque temps, tout allait mal. Il avait affaire à des créanciers ennuyeux qui voulaient toute force avoir de l'argent. Quelle prétention ridicule! Tout homme, dit un proverbe anglais, a quelque part, dans un endroit secret, un cadavre caché qu'il craint de voir découvrir. Le cadavre de Servin, c'était l'argent de Georges Lagarde, destiné à subvenir aux besoins d'Angèle et si facilement dépensé par lui. Il avait beau l'oublier pendant quelque temps, le cadavre entêté persista à revenir au jour comme un noyé sur l'eau. Vainement, il entassait par-dessus les souvenirs de toute espèce qui s'étaient accumulés pendant les 10 dernières années. Sa mémoire parfaite et cruelle ramenait impitoyablement devant lui le nom d'Angèle, la rue qu'elle habitait, les 3 logements où demeurait la femme au chapeau à plumes, et souvent, il lui arrivait dans ses courses de se retourner vivement en passant auprès d'une fillette toute petite qui ressemblait à l'enfant. Il haussait ensuite les épaules en se disant « Suis-je bête? Si elle vit toujours, à présent c'est une demoiselle. » Il se rappelait aussi la mère d'Angèle, la jolie Madame Lagarde, si frivole, si coquette, peut-être si perverse. Et maintenant Georges était mort, car il était bien mort. Cette femme apparaissait dans ses souvenirs comme l'incarnation de tout ce qui est joli, fragile et nuisible. Pourtant, elle devait avoir aussi changé celle-là depuis 10 ans. Pendant qu'il faisait ses réflexions, il vit passer à quelques pas de lui sur le boulevard une femme vêtue avec une certaine élégance simple et dont la tournure évoqua quelque chose dans le fond de ses souvenirs. Était-ce qu'il était hanté par l'image de Marie Lagarde, ou bien cette femme lui ressemblait-elle réellement à s'y méprendre? La femme s'était éloignée pendant que Servin faisait ses réflexions. Elle revint au bout d'un instant, s'assit d'un air lassé à une petite table vacante, demanda un bock et le but avec avidité, après quoi elle resta pensive, les yeux perdus dans le vague, au milieu du brouhaha des voitures et du va-et-vient des passants. Évidemment, à cette heure tumultueuse du boulevard, elle revoyait en elle-même quelque chose d'oublié depuis bien longtemps et elle le regrettait peut-être. Servin la regardait de plus en plus attentivement et à présent qu'il la voyait de près, il commençait à douter de ce qui lui avait paru si sûr. Au moment où il se disait qu'il s'était trompé, cette femme tourna en plein vers lui son visage triste et fatigué. Elle reconnut près des brides du chapeau, sur la joue, un petit signe qui donnait à la physionomie de Madame Lagarde une grâce particulière, et qu'autant de ses jeunes amours, Georges appelait en riant une mouche dans du lait. Servin n'y tint plus. Était-ce la crainte de voir s'envoler sans lui avoir dit un mot, se souvenir d'un temps où il était plus jeune et peut-être meilleur, ou bien un vague scrupule d'honnêteté qui lui faisait désirer de renouer la chaîne rompue et de retrouver l'enfant si complètement perdu dans le gouffre parisien. Quel que fut le motif qui le poussa, il approcha sa chaise et dit doucement « Madame Marie Lagarde ». La jeune femme tressaillit. Il y avait longtemps qu'elle ne s'était entendue appeler de ce nom. Elle ne reconnut pas Servant sur le champ, quoiqu'il eût peut-être au moins changé qu'elle. Elle resta interdite, hésitante, cherchant dans sa mémoire. « Vous ne vous rappelez pas Servin ?» dit-il à demi-voix. Elle sourit faiblement et rougit en même temps. Celui-là l'avait connu lorsqu'elle était heureuse. « Il y a longtemps qu'on ne s'est vu, » dit alors Servin. Elle fit un geste vague, une question qu'elle n'osait faire lui brûlait les lèvres. « Et cela va bien ?» dit bêtement Servin à court de conversation. « Oui, » fit-elle, « cela ne va pas mal. » Quelqu'un se leva à l'une des tables placées derrière eux. Avec un mouvement d'effroi, elle se retourna comme si elle avait peur de voir surgir près d'elle quelque ombre menaçante. Ils échangèrent quelques paroles banales, mais Madame Lagarde, visiblement préoccupée, semblait avoir envie de s'en aller. « Qu'est-ce que vous avez donc ?» lui dit Servin, voyant qu'il n'en pouvait tirer que des monosyllabes. Elle hésita encore et pâlit un peu plus, puis, avec un effort visible, elle demanda « Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu mon mari ?» Servin tressaillit à son tour et la regarda avec le même effroi qu'elle avait témoigné tout à l'heure. « Mon mari, » répéta-t-elle avec une sorte d'impatience nerveuse, « Georges Lagarde, y a-t-il longtemps que vous l'avez vu ?»« Comment ?» balbutia Servin. « Vous ne savez pas ? Il y a 10 ans qu'il est mort. »« Ah !» fit-elle, et elle se recula imperceptiblement. L'image de ce mort brusquement évoqué entre eux interdisait la familiarité commençante. Après un instant de silence, elle reprit à voix basse. « Vous en êtes sûr ?»« Sûr ? On n'est jamais sûr qu'un homme est mort tant qu'on ne l'a pas vu enterré. Il a été porté pour mort et jamais personne ne l'a revu. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ah ! Fit encore Madame Lagarde qui semblait avoir peine à parler. Son visage, encore charmant, quoique bien fatigué, se contracta douloureusement. Était-ce du regret, de la crainte, de l'impatience ? Elle n'en savait rien elle-même. « Et vous, que devenez-vous ? » dit machinalement Servin. « Moi ? » fit-elle. « Rien. » Il la regarda avec une certaine pitié. « Rien, en effet, ou si peu de choses. » Au bout d'un instant, elle reprit. « Je suis très fatiguée. Depuis plusieurs nuits, je n'ai pas dormi. » Elle poussa un léger soupir et regarda les voitures qui passaient sur le boulevard comme si elle voulait les reconnaître. Servin se sentit tout à coup pris d'une sorte de compassion. Elle était si gaie, autrefois, si jolie, si amusante. « Avez-vous de l'argent ? » lui demanda-t-il. « Un peu, » répondit-elle. « Demain, je chercherai de l'ouvrage. » Après un instant de silence, elle ajouta. « Je n'aime pas travailler. » Puis elle regarda le bout de sa bottine d'un air de dépit concentré. Servin la contemplait, songeant avec quelque amertume à mille choses du temps passé, quand tout à coup sa vieille préoccupation lui revint en mémoire. « Et votre fille, la petite Angèle, qu'est-ce qu'elle est devenue ?»« Angèle ?» murmura Madame Lagarde, qui rougit de plus belle. « Je ne sais pas. »« Mais enfin, » s'écria Servin presque exaspéré, « elle est pourtant devenue quelque chose, cette petite. Il faut qu'on la retrouve. »« Elle est donc perdue ?» demanda la jeune femme avec un certain mouvement d'émotion. Certain lui raconta alors le peu qu'il savait. « Si je savais où elle est, » avoua-t-il en finissant son récit, « je serais certainement moins tourmenté. » Madame Lagarde réfléchissait et cherchait dans ses souvenirs. « On a dû la conduire chez sa grand-mère, » dit-elle, « la mère de mon mari. Elle n'y aura pas été malheureuse. »« S'il avait une grand-mère, » murmura Servin avec un soupir de soulagement. « Elle me détestait, » dit la jeune femme. Servin se dit en lui-même que ce n'était pas étonnant, mais il garda cette réflexion pour lui. « Racontez-moi ce que vous savez de la mort du père, » dit la jeune femme. Servin lui dit ce qu'il savait, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle l'écoutait avec une attention fiévreuse. « Qu'était-il allé faire en Amérique ? » demanda-t-elle. « Courir après quelqu'un qui lui devait de l'argent, et qui ne voulait pas le payer. » C'était tout ce que Servin se rappelait de cette époque déjà ancienne. « Ah oui, » murmura Madame Lagarde, « le fameux argent. » Tout à coup, elle se dressa, et regardant son interlocuteur dans les yeux. « Eh bien, l'avait-il retrouvé ? » demanda-t-elle avec une énergie singulière. « Il me semble que oui, » répondit Servin, dont les souvenirs se réveillaient peu à peu. « Qu'est-ce qu'il est devenu, cet argent ? » demanda la mère d'Angèle, redevenue soudain active et presque menaçante. « Je n'en sais rien, » dit Servin, soudain effrayé. « C'est son notaire de là-bas qui doit le savoir. » La jeune femme chercha dans ses souvenirs. « son notaire, » murmura-t-elle fiévreusement. « Je savais son nom, je l'ai oublié. Vous devez le savoir, vous. Il vous l'a dit, bien sûr. Tâchez donc de vous le rappeler. Voyons, faites un effort, cherchez donc. » Ce n'était plus la femme de tout à l'heure, lasse et ennuyée. À l'idée de l'argent, elle avait retrouvé de la vigueur et de l'énergie. Instinctivement, Servin regretta de l'avoir rencontrée et de lui en avoir trop dit. « Ce nom, » murmurait-elle, « il faudra pourtant que je le retrouve. »« Ah, j'y suis. C'était... » Elle s'arrêta court et regarda Servin d'un air méfiant. « Avez-vous de l'argent ?» lui dit-elle brusquement. « Pas beaucoup, » répondit-il en toute franchise. « Il m'en faut, tout de suite ou demain. Il m'en faut beaucoup. Je vous le rendrai avec les intérêts. Vous qui êtes agent d'affaires ou placier, quelque chose comme cela, vous devez savoir où l'on trouve de l'argent. Vous connaissez des gens qui en ont à 10%, dites, ou même davantage pour peu de temps. Il s'agit d'une fortune, voyez-vous. Georges doit avoir laissé une fortune. » Sans cela, il ne serait pas revenu si vite. Quand cela ne va pas, les affaires, cela traîne longtemps. Quand on revient tout de suite, c'est qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Vous devez bien le savoir, c'est toujours comme cela. » Elle parlait avec volubilité. Tout à l'heure, elle avait l'air d'une branche fanée. Maintenant qu'elle s'était redressée et que ses yeux brillaient, elle avait plutôt l'air d'un animal carnassier en quête du gibier. Servin avait vu bien des choses dans sa vie et bien des gens, mais il n'avait jamais éprouvé une impression semblable à celle que lui donnait la transformation subite de cette femme. Et de l'enfant dans tout cela, il n'était pas question. « Je ne sais pas, » dit-il. « Se procurer de l'argent, c'est toujours difficile. On peut essayer. »« Il ne s'agit pas d'essayer, » reprit-elle avec vivacité. « Il faut de l'argent pour commencer tout de suite. Peu de choses, si vous voulez, 100 francs, par exemple. Mais cela, il le faudrait demain matin. Vous n'avez pas 100 francs sur vous. » Non, Servin n'avait pas 100 francs sur lui. Il les aurait eus qu'il ne les eût pas donnés. Tout à coup, il s'avisa d'une réflexion. « Et votre fille ? » dit-il. « Ma fille, » dit-elle. « Certainement, la pauvre enfant. Il faudra tâcher de la retrouver. » Après un instant de silence, elle ajouta. « Georges et moi, nous étions mariés sous le régime de la communauté. Je comprends, » pensa Servin, « pourvu que nous retrouvions l'héritage, peu importe de retrouver l'enfant. » Elle se leva d'un air inquiet et pressé. « Où demeurez-vous » dit-elle. Servin indiqua son adresse. « Une vilaine rue, un vilain quartier, un vilain hôtel garni. »« C'est bien, » dit-elle, « j'irai vous voir demain. Tâchez d'avoir trouvé l'argent. » Servin avait bonne envie d'ajouter quelque chose, mais elle n'avait peut-être pas envie de l'entendre. Elle salua d'un petit signe de tête, qui ne manquait pas d'une certaine correction, et s'en alla dans la direction du faubourg Montmartre. Servin se dirigea du côté opposé, en méditant d'un air sérieux. Quelque chose qu'il ne pouvait définir s'agitait en lui. Il revoyait le visage de Georges Lagarde lui faisant ses adieux. Il se rappelait l'étreinte fiévreuse de sa main, pendant que son pauvre père lui disait « Soigne bien Angèle, fais bien attention Angèle, donne-nous souvent de ses nouvelles, je compte sur toi, tu sais, l'enfant n'a plus que toi, pendant que je serai là-bas. » Il avait singulièrement rempli son mandat, ce brave Servin. Il n'était pas méchant cependant, mais parmi ceux qui font le mal, ceux qui sont méchants sont rares, ceux qui sont faibles sont nombreux. L'heure s'avançait. Les voitures qui sillonnent bruyamment Paris après la sortie des théâtres commençaient à devenir rares, et l'air était presque frais. Il s'arrêta au bord de la Seine et s'accouda sur le parapet. On ne sait pourquoi rien ne porte à la méditation comme de regarder couler l'eau. Au bout du compte, se dit-il, après qu'un travail obscur se fut fait dans son esprit, « Je dois 1000 francs à la succession de mon ami. Ces 1000 francs, personne ne me les réclamera jamais. Pour moi, je ne suis pas très tranquille. Je devrais faire quelque chose. » Il s'arrêta, plus perplexe encore. Quelque chose, en quoi consiste quelque chose, où s'arrête quelque chose? C'est à ce cas de conscience épineux que s'accroche la laine de bien des agneaux condamnés par la suite à devenir des brebis galeuses. Fallait-il donner cet argent par à-compte, car pour la totalité, il n'en était pas question, bien entendu, à Madame Lagarde, pour l'aider à retrouver l'héritage de Georges. Ou bien fallait-il s'en servir pour essayer de retrouver Angèle? Pauvre petite Angèle, Servin la revoyait encore avec ses cheveux ébouriffés, ses yeux bleus qui riaient toujours. Évidemment, se dit Servin, l'intérêt de la maman n'est pas de retrouver l'enfant, il est simplement de retrouver le notaire, à moins que... Ici, Servin cessa de regarder couler l'eau et leva les yeux plus haut. Devant lui était le palais de justice qui profilait sa silhouette noire sous le ciel à demi clair. À moins que Georges n'ait fait un testament, conclut-il, et s'il a fait son testament, ça ne doit pas être en faveur de sa femme. Il quitta la place où il s'était accoudé et marcha en suivant le fil de l'eau. Il semblait à ce bon garçon, honnête au fond, malhonnête par occasion, que l'air frais et la solitude lui inspiraient des pensées plus saines, plus généreuses, plus près de ce qui est beau et vrai. Il faudrait savoir, se disait-il en marchant, mais Madame Lagarde ne dira jamais ce qu'elle a intérêt à cacher. Il faudrait savoir en faveur de qui est fait le testament, ou s'il n'y a pas de testament. Si la petite fille est quelque part honnête et bien élevée, ce serait grand dommage de l'aider à rencontrer sa mère. Drôle de mère et drôle de femme. Où donc demeurait la grand-mère? À Beaumont! S'écria-t-il tout à coup en se frappant le front. Oui, Beaumont, c'est cela, moi qui t'en cherchais. Est-ce drôle qu'on oublie ainsi pendant des années et puis qu'on se rappelle au moment où on y pense le moins? Si j'avais trouvé il y a 10 ans. Ici, il se perdit dans des réflexions rétrospectives trop profondes pour qu'il pût facilement s'y reconnaître. Servin était un homme qui ne savait nager qu'autant qu'il avait pied. Loin du bord, il perdait la tête et se sentait obligé de revenir, de peur de se noyer. « Beaumont, c'est bien cela. Je me rappelle aussi le département. La vieille femme est peut-être morte depuis le temps. Et puis, il faudrait encore prouver que Georges n'existe plus, car enfin, on n'a jamais vu un notaire vous mettre en possession de l'héritage d'un vivant. » Il reprit à petits pas le chemin de sa demeure et se coucha par là-dessus avec un certain contentement de soi-même, trouvant comme Titus, dont il avait oublié le nom et l'histoire, qu'il n'avait pas perdu sa journée. Il s'endormit et, dans ses rêves, vit passer 100 figures confuses, parmi lesquelles revenait, infatigable, celle de Georges Lagarde, gai et souriant comme au bon jour d'autrefois. Vers 4 heures du matin, il s'éveilla en sursaut sous la pression d'une idée tellement impérieuse que son sommeil en était troublé. Il y a un endroit, se dit-il tout haut, tant il était obsédé par sa pensée, il y a un endroit où l'on sait les nouvelles des navires perdus. C'est peut-être au ministère de la Marine, peut-être au ministère du Commerce, mais il y a un endroit, j'irai demain. Là-dessus, il se rendormit.